périphérique, périme l'air mais pas mes rimes. Cap sur la capitale, j'ai Paris. Pas de peau, pas d'échappement, c'est parasite et visage pâli. Par ici les rues assaillies, les trottoirs salis, les palissades qui font grise mine. J'balise, me sauve, fais mes valises. Je séjourne à la campagne, juste pour plus que j'agonie, je remonte de province. Vais-je m'étouffer, gerber ou retrouver mon timbre à phare métropolitain? J'meurs pointeur de pointe, tout le monde suint dans son suite. Les hommes zooment les belles mômes entre deux lignes du parisien. En fond de train, les parisiennes fouettent le parfum monoprix. Discutent des prises uniques de leurs fonds de teint qui font grand train. Respire, transpire l'errance des correspondances. Les gens semblent bien en rang, en cadence dans cette foule dense. Le bétail rentre au bercail, les moutons je les raconte ce soir. Mais l'albergénicus à la gerbe devient barge. À République, le public oblique plus éclectique. Pickpocket en quête de sac, camé en manque de crack. Flic qui marque, tête de turc, beurre et black. Mon gars, ici y'a pas squat, donc y'a pas squat. Alors il se passe quoi? Donnez-moi tous votre carte avant que je vous embarque. Racontez pas des salades ou je vous emmène dans le panier. La matraque, je vais manier. Police secours, va te secouer sec par terre. Hop, dans le charter, pays de réhac. Les frontières se rétractent. Traquer le bouc émissaire à la misère de la croissance et la parano va croissante. Acte de délation, méfiance et peur. On se regarde de travers, l'ambiance trace au stress. Comment veux-tu que j'ai l'esprit libre? Tous les jours, je m'arrête la même ligne. Sous mes dérailles et de son tra-tra quotidien. Je ne vois pas le bout du tunnel, marquant le bout du tunnel. Comment veux-tu que j'ai l'esprit libre? Tous les jours je marque la même ligne. Sous les dérailles et de son tra-tra quotidien. Je ne vois pas le bout du tunnel, marquant le bout du tunnel. Oui, alors, bonjour. Désolé de vous solliciter. Je sais que je suis pas le premier, mais je dois payer mon loyer ce soir, alors. Direction Montreuil. Sur le quai Quad 9, ligne 9, les rangs se resserrent. Y'a du business dans l'air. 22 v'là les CRS, la milice RATP. Opération coup de poing. Et tu me reçois 5 sur 5. L'Indien camoufle cacahuètes et chouchous. À genoux, le dealer en planque. C'est caillou taillou, il peut. Escalade dans l'escalier, camarade. L'escapade se finit. Escale dans le fourgon d'un autre escadron. Cadron, dernier plan. Sous des regards médusés et médisants. L'heure série Z. En reality show dans le métro. Pour ce soir, y'a des ragots à gogo. À relater devant le gigot. Ras-le-bol de ce quotidien au goût amer. On écrase son mégot lorsqu'arrive le wagon. Et comme ce qu'on a vu, rien entendu. Comme de bien entendu, à ce climat malsain, je n'adhère plus. Soulé des souterrains, à quand le bout du tunnel? Je stationne debout, plus que trois stations. Lorsque passe à l'action, trois accords d'accordéon. V'là Léon, sous les néons du wagon qui valse avec les sons. Sans le sou, il soustrait quelques pièces de votre porte-monnaie. Contre plaît. Une portée en 6 dièses, famine et diète, il dîne avec, je lui laisse DF. Ces sans-abri me brisent le cœur à corps. Je broie du noir lorsque j'arrive à Saint-Ambroise. Plus que trois escaliers, bientôt sur mon palier. Quand sur le macadam et sous les réverbères, deux têtes pâles vendent les journaux de la rue. Je rumine encore ce monde en ruine. Je passerai à l'église Saint-Ambroise brûler un cierge pour la misère. Môme, j'y servais comme enfant de cœur.